Je m'en fous de Noël. Je m'en fous de Noël. Le 24 c'est officiel. Grosse fête pour mes labels. Elle a sorti les confettis. Mes labels. Mes labels. Elle a préparé la sono. Mes labels. Mes labels. Il y a partout des Haribo. Mes labels. Mes labels. C'est même elle qui a fait le gâteau. Mes labels. Mes labels. Et n'oublie pas de danser, danser, danser, danser. Et aujourd'hui on va s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser. Et n'oublie pas de danser, danser, danser, danser, danser, danser. Et aujourd'hui on va s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser. C'est parti pour la danse. Le reste n'a plus d'importance. Tu fais des étincelles pour ta fête, mais la belle. C'est parti pour la danse. Le reste n'a plus d'importance. Tu fais des étincelles pour ta fête, mais la belle. Et bon anniversaire, Mélanie. Et n'oublie pas de danser, danser, danser, danser, danser, danser. Et aujourd'hui on va s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser. Et n'oublie pas de danser, danser, danser, danser, danser, danser. Et aujourd'hui on va s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser. C'est parti pour la danse. Le reste n'a plus d'importance. Tu fais des étincelles pour ta fête, mais la belle. C'est parti pour la danse. Le reste n'a plus d'importance. Tu fais des étincelles pour ta fête, mais la belle. S'amuse, s'amuse, s'amuse, s'amuse, s'amuse, s'amuse, s'amuse, s'amuse. Et n'oublie pas de danser, danser, danser, danser, danser, danser. Et aujourd'hui on va s'amuser, s'amuser, s'amuser, s'amuser.